France Inter, le 13-14. Combien de personnes ont le droit d'assister à la messe en même temps, en temps de confinement? Combien de fidèles par rangée ou mètre carré? Les négociations ont été ardues. Finalement, c'est une chaise entre chaque famille ou groupe et une rangée sur deux. Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Cette affaire, dites-vous, en dit long sur l'affaiblissement de l'Église. Non seulement l'État ne lui a accordé qu'une attention très mesurée, mais c'est la croix elle-même qui le dit. L'opinion publique a pu observer les catholiques se déchirer autour de la messe, Jean. Ben, ça fait longtemps que l'Église catholique perd du terrain. Les pratiquants engendrent beaucoup de non-pratiquants dont les enfants à leur tour deviennent des non-chrétiens. Et l'étiage maintenant est extrêmement bas. 3%, 2% des Français vont à la messe le dimanche. Et le premier confinement a creusé cette baisse. Peut-être un quart ou un tiers des fidèles évaporés. De quoi provoquer une inquiétude, voire un sentiment panique. Alors avant de se demander pourquoi des catholiques manifestaient pour réclamer la messe, faut donc se demander pourquoi tant d'autres n'y vont plus. Alors petit rappel, Bruno, à l'intention de ceux qui sont curieux des rites. La messe commence par une liturgie de la parole, lecture, homélie, qui est suivie d'une liturgie de l'Eucharistie. Jésus s'est offert en sacrifice pour le bien des hommes. De même, le prêtre consacre le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Soit. Le Concile Vatican II, 62-65, a permis une transformation de la célébration. Usage du français, prêtre non plus dos au peuple, mais face au peuple, fidèle invité à participer bien davantage. S'en est en suivi une grave crise. Certains catholiques, on pense à Mgr Lefebvre, ont refusé la nouvelle liturgie qui leur paraissait une trahison et lui ont attribué une responsabilité première dans la désaffection vis-à-vis de l'Église. Depuis, la sociologie religieuse a montré que la chute de la pratique avait en réalité commencé avant le Concile. S'il n'y avait eu cette modernisation trop tardive, peut-être la chute aurait-elle été plus brutale encore. En tout cas, un demi-siècle après, ce sont les catholiques les plus sceptiques quant au bilan du Concile qu'on retrouve aux avant-postes du combat pour une messe la plus publique possible. Et dans la forme la plus ancienne possible, sous Jean-Paul II et Benoît XVI, s'est affirmé un retour à une liturgie très exactement normée. Vous voulez bien un petit peu d'ethnologie religieuse maintenant, Bruno ? Allez-y. Les prêtres les plus jeunes, formés dans des établissements traditionnels, une centaine, 125 par an, à qui il arrive parfois de remettre la soutane, aiment être entourés d'encens. Ils ne détesteraient pas célébrer de nouveau dos au peuple. Ils font force, génuflexion, prosternation. L'inconvénient de cette resacralisation, c'est qu'elle renforce à outrance l'importance du prêtre, alors qu'il y en a de moins en moins. 15 000 prêtres aujourd'hui contre 30 000 il y a 20 ans. En revanche, les assemblées dominicales, en l'absence de prêtres, qui s'étaient multipliées en milieu rural, ont été curieusement abandonnées. On n'a pas vu les catholiques intransigeants manifester devant les églises de campagne qui s'en sont retrouvées fermées le dimanche. Et pourtant, la prédication des laïcs qui s'y expérimentaient pouvait être autrement efficace que les homélies cléricales. Et que dit-on à Rome du débat présent, Jean ? Et d'un côté, le cardinal Saras, d'un prélat africain, chef de file du courant conservateur, affirme le droit imprescriptible de recevoir le corps du Christ et d'adorer le Seigneur présent dans l'Eucharistie de la manière prévue. Le pape, lui, il déplore que certains transforment l'épisode en bataille culturelle, alors que la plupart des gouvernements, dit-il, œuvrent pour assurer la protection de la vie. Bataille culturelle, c'est le mot. D'un côté, ceux qui accordent une importance première à la participation du peuple au culte et à l'extérieur, à la protection de sa santé, et de l'autre, ceux qui valorisent le rôle capital du prêtre au point de secrètement souhaiter qu'il redevienne le prêtre réfractaire du temps de la contre-révolution. Le vif de l'histoire, Jean Lebrun et Intelligence Service. Demain, quel est le programme en un mot ? Raymond Aron, paix et guerre entre les nations. C'est noté à 18h et en podcast.